Samedi soir après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je te paie le café concert. On va filer bras dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Avec sa femme, un brave agent, chez lui rentrait gaiement. Quand tout à coup, jugez un peu, on entend des coups de feu. C'était messieurs les bons apaches, pour se donner du panache, qui s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Brave agent, indulgent, dit à sa femme tranquillement, viens popolo, viens popolo, viens. Pourquoi les déranger? Ça pourrait les fâcher. Oh, viens popolo, viens popolo, viens. Te mets pas en émoi. Ils se tueront bien sans moi. De vieux époux, tout tremblotant, marient leurs petits enfants. Après le bal, vers les minuit, la bonne vieille dit à sa petite fille tombant de sommeil, je vais donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés, mais le grand-père plein de gaieté dit doucement, bonne maman, laisse-les donc ces petits enfants. Viens popole, viens popole, viens. Ces deux petits polissons n'ont pas besoin de leçons. Ah, viens popole, viens popole, viens. Demain matin, ma foi, ils en sauront plus que toi.